Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, quand la musique de film passe justement à l'histoire. C'était ce qui est le plus important dans comme musicien dans ma vie, parce que j'ai fait 53 musiques de long métrage. Ça fait beaucoup, beaucoup de musique. C'était une démarche qui consiste à écrire pour l'image, pour une histoire, de raconter avec la musique une histoire en parallèle à une autre histoire. Et j'ai plutôt choisi ça, souvent avec du regret par rapport au concert. Je m'explique, en fait, parce que c'est toujours bien intéressant d'entendre une de ses œuvres jouer en concert. Bien sûr. Mais ça dure pas. C'est un peu éphémère, tandis qu'un film, c'est collé au médium pour l'éternité. Le compositeur François Dompierre, au micro de Mario Proulx à l'émission « Moi, mes chansons » en juillet 2001. François Dompierre est probablement le compositeur qui a signé le plus grand nombre de musiques pour le cinéma québécois. C'est à lui qu'on doit, par exemple, la musique d'X-13, celle du déclin de l'Empire américain ou encore celle du Matou. François Dompierre a composé, vous l'entendiez, plus d'une cinquantaine de musiques de films au fil des ans. La musique, évidemment, ça occupe une place primordiale dans l'histoire du cinéma. Certaines musiques de films sont en fait si marquantes qu'elles deviennent carrément indissociables du film pour lequel elles ont été composées. Et dans le cadre de notre série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire, où on invite des collègues de Radio-Canada, à venir nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, on a décidé de se faire plaisir et d'inviter à nos micros l'animatrice de l'émission Toute une musique, diffusée à Ici Musique, Marie-Christine Trottier. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Jacques. On vous a demandé donc de venir nous présenter quelques-unes de ces musiques qui ont profondément marqué l'histoire du cinéma. Évidemment, on pourrait faire une série complète d'émissions là-dessus. Le sujet est très vaste. C'est très, très vaste. Ça va être une approche un peu impressionniste, notre approche aujourd'hui avec vous. Vous avez choisi quelques musiques, mais quand même, c'est pas mal. Votre choix est pas mal dedans, comme on dit, oui. Qui sont parmi les plus marquants de l'histoire du cinéma. Pourquoi vous aviez envie de nous parler de ça, de la musique au cinéma? Parce que la musique nourrit chaque jour de ma vie, Jacques, et j'ai voulu vous en parler par le biais du cinéma, justement. Quand, après avoir vu un film que j'ai adoré, je veux prolonger le plaisir en écoutant la trame sonore. Ouais. Je m'aperçois que très souvent, ça ne fonctionne pas parce que l'expression le dit, musique de film. Donc, si le film n'est pas là, la musique n'est pas viable. Mm-hmm. Mais il y a des exceptions dans l'histoire. Des exceptions de musique qui connaissent une vie en dehors de la salle de cinéma, contrairement à ce que disait François Dompierre. Des musiques qui atteignent une intemporalité, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Bien sûr, il y a aussi des chansons qui survivent, ouais, à des films Moon River, ouais, I'm Calling You, de Bagdad Café, par exemple, Que sera, sera, Le cœur est un oiseau de Desjardins dans le film Le Party de Falardeau. Et il y a aussi des musiques. Moi, ce sont les musiques, ouais, dont je vais vous parler à l'émission. Et on commence en force avec un exemple très, très rare quand même, une musique de film qui, je pense, va devenir même plus connue que le film lui-même. Qu'on entend, Marie-Christine Trottier, c'est la musique de Miles Davis, une, mm-hmm, musique qui est devenue mythique, qui est la musique au départ du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, mais ça va devenir beaucoup plus que ça, cette musique. Ah oui, beaucoup plus. Et, oui, elle est intimement liée au film de Louis Malle en 1958. C'est un très bon exemple ici, cette musique, parce que bien qu'elle ait plus que... Elle a plus de 60 ans, cette musique, elle a une qualité intemporelle, ce qui signifie justement, on est en plein dans le mille, elle est aussi pertinente maintenant qu'elle l'était lorsque Miles l'a enregistrée en 1957. Elle est encore rééditée de nos jours. Elle obtient encore énormément de succès. C'est dire. L'un des chefs-d'œuvre. Et elle est associée plus encore à Miles Davis, oui, qu'à Louis Malle, qu'au film Ascenseur, oui, pour l'échafaud. C'est l'un de ses plus beaux et envoûtants enregistrements, l'Ascenseur pour l'échafaud. Sa trompette n'a jamais sonné aussi désolée, aussi désespérée. Une lenteur inquiétante qui est parsemée d'inflexions blues. Contexte de l'époque, quand même, qu'il faut rappeler, jazz au cinéma, c'est très tendance. Ouais. Les boîtes de jazz à Paris aussi. La légende veut que ce soit Juliette Gréco qui aurait présenté Miles Miles à Louis Malle. D'autres disent que Louis Malle fréquentait les boîtes de jazz et que de lui-même, il aurait approché Miles Davis. Mais vraisemblablement, ce serait l'assistant de Malle, Jean-Paul Rapneau, qui aurait eu cette audace. La création de la musique de Miles Davis et ses musiciens à partir d'une improvisation faite sur image. Ouais. Et c'est ça qui contribue au mythe. Le matin même, Miles avait simplement donné à ses musiciens une progression harmonique. Vous savez, enchaînement de quelques accords, c'est tout sur une feuille de papier. Le reste appartient à l'histoire. L'album est devenu mythique et chose hyper intéressante pour l'histoire du jazz. Kind of Blue, mythique album s'il en est un autre, qui a suivi. Eh bien, sur cet album, Miles a utilisé le même processus de création, ce qui fait dire aux spécialistes du jazz que la musique du film de Louis Malle aura été un précurseur pour aussi Milestone, qui est paru après, et évidemment l'album qui a tout révolutionné, Kind of Blue. Donc, cette idée d'improviser un disque complet, ça commence avec cette musique d'ascenseur pour l'échafaud. Puis, il faut voir les images. Il y a des documentaires, allez voir ça, mais on voit Miles et son ensemble. Regardez le film. Comme le cinéma muet, on projette le film et on fait de la musique en direct. Autre musique vraiment très, très importante, qui est assez particulière aussi, parce que non seulement on l'associe, vous allez le voir, l'entendre dans un instant. Et la reconnaître. Oui. Cette musique-là, non seulement on l'associe à un film, on réussit même à l'associer à une scène particulière de film. C'est Bernard Herrmann qui compose cette musique pour le film d'Hitchcock, Psychose. C'est très, très fort. C'est une des musiques les plus fortes de l'histoire du cinéma. On reconnaît la scène. Mm. Là, ce qu'on a entendu, c'est l'indicatif, c'est la trame du film, le thème général. Mais c'est repris là, dans la fameuse scène de la douche. Oui, la fameuse scène de la douche dans le film Psycho, Psychose en français. Que l'on doit donc à ce partenaire idéal pour Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, qui avait beaucoup, beaucoup 9 longs métrages et qui avait aussi fait la musique de Citizen Kane, notamment avec Orson Welles. Et quand je dis qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont même travaillé sur le film Les Oiseaux. Ah bon? Parenthèse ici, il n'y a pas de musique dans le film Les Oiseaux, mais le nom de Bernard Herrmann apparaît quand même au générique parce que le silence fait partie de la musique et les bruits de poignées de porte aussi. Alors donc, nombreuses sont les partitions de films acclamés au cours de sa longue carrière à Bernard Herrmann, mais aucune n'est aussi reconnaissable. Le thème des cordes hurlantes qu'on vient d'entendre, qui accompagne la célèbre scène du meurtre, est l'un des morceaux de musique les plus connus jamais composés pour le cinéma. Et l'histoire de la composition, bon, on subissait certaines contraintes budgétaires, ce qui avait forcé Herrmann à limiter son orchestre à un petit ensemble de cordes, pas de cuivre, pas de percussion. Heureusement, car ces harmonies de dissonance énervées, énervantes, inspirées de l'avant-garde, conviennent parfaitement au noir et blanc très tragique et horrifiant d'Hitchcock. Et vous savez, ces textures froides et dures, il les a obtenues car il avait demandé aux musiciens de jouer avec des sourdines et sans vibrato. Bien sûr, avec un énergique coup d'archet, ce qu'on entend distinctement. Une partition qui a connu une postérité instantanée. Plusieurs s'en sont même fortement inspirés par la suite. Et ce thème anxieux et répétitif arrimait à un moment de violence extrême et choquante. C'est devenu une référence absolue pour le film d'horreur et ses dérivés. Une scène encore à l'étude aujourd'hui, car si vous observez bien, on ne voit jamais les coups de couteau entrer dans la chair. On les voit dans notre tête grâce à la musique. Ouais. Et bien sûr, grâce au montage. Mais Herman Hitchcock rencontre de deux surdoués une collaboration sur plus de 9 films, incluant Les Oiseaux, duquel je vous parlais. Thank you. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, Marie-Christine Trottier, que quand John Williams compose ce qu'on vient d'entendre, la musique du film Jazz, il se souvient très bien de ce qu'a fait Bernard Herrmann avec Psychose. Une grande musique influence. Musique répétitive, on suggère plus qu'on ne montre. Et les cordes. Les cordes, absolument. Et c'est un procédé qui ressemble. Il avait d'ailleurs côtoyé Herrmann, Herrmann qui est décédé en 1975. Tout comme les coups de couteau dans la chair qu'on ne verra jamais dans la scène de la douche de Hitchcock, on ne verra que très, très tard le requin dans Jazz. On entend cette musique, elle est très, très suggestive. On l'imagine, le requin, mais on ne le voit jamais. Quelques notes atonales, c'est vraiment du génie. Les cordes qui progressent en crescendo, cet immense crescendo, pour représenter la menace du requin, le motif qui s'accélère de manière très angoissante au fur et à mesure que la caméra... Le requin, c'est la caméra qui s'approche de la victime. Alors, les contrebasses sont amplifiées par des coups de timbales, le piano au moment de l'attaque. Oscar pleinement mérité pour cette musique originale. Et puis, il y en aura d'autres qui vont l'attendre, John Williams, des Oscars, parce que c'est vraiment un des grands compositeurs de musique dans le monde. Et une autre musique qu'il va nous donner est aussi très, très, très connue. La musique de Star Wars, donc un autre incontournable de l'histoire du cinéma, ça fait partie des très, très nombreux. C'est un grand John Williams. Il va travailler beaucoup, c'est un film de Spielberg, Star Wars, il va travailler beaucoup avec Spielberg, avec Lucas et avec plein d'autres. Avec plein d'autres aussi. Et si on une anecdote concernant la liste de Schindler, par exemple, très humble Williams, quand il dit à Spielberg, quand il a vu les images, il dit « je ne me sens pas à la hauteur pour composer cette musique ». Il dit « tous ceux qui sont à la hauteur de répondre à Spielberg, ils sont tous morts », faisant référence aux compositeurs de musique classique avant John Williams. Alors, ce qui l'a motivé un petit peu, et on connaît aussi le succès de la musique de la liste de Schindler, un thème tellement attendrissant, tellement beau, tellement grand, repris par les plus grands violonistes au monde. Et il y a une vraie parenté, une vraie filiation. Vous dites, vous racontez cet échange entre Williams et Spielberg, mais qui montre bien que Williams est un grand compositeur de musique classique. J'ai fait le lapsus. Est un grand compositeur de musique de film, mais qu'il s'inspire... Et qui s'inspire énormément d'auteurs classiques, de compositeurs classiques. Il ne s'en est jamais caché, John Williams. Il a fait des emprunts à d'autres grands compositeurs avant lui. Par exemple, celui, le thème de Star Wars, le compositeur autrichien naturalisé américain Eric Korngold y avait pensé bien avant lui dans son film King's Row de 1942. Et vous allez voir, écoutez ce qui suit. On commence avec la musique de John Williams, Star Wars, et vous allez l'entendre, l'enchaînement. On va écouter ce qu'a fait l'Autrichien, mais des décennies plus tôt. En 1942. Ouais. Vous êtes un peu musicienne, Marie-Christine Trottier. Jusqu'où peut-on aller dans l'emprunt? Je ne le sais trop, mais là, on est vraiment... Mettons qu'on va être poli, c'est très, très, très inspiré. C'est très proche, et même c'est dans la même tonalité. Ouais. Alors, mais John Williams disait qu'il affectionnait les musiques des immigrés européens de la Deuxième Guerre, tels Korngold ou Kurt Weill, par exemple. D'ailleurs, en ligne, on peut mettre la main sur des montages fabriqués par de malins mélomanes qui ont décortiqué l'œuvre de John Williams. Et ils établissent, comme on vient le faire, des comparaisons très convaincantes avec des musiques, par exemple, de Tchaïkovski, Stravinsky, des thèmes de ces grands compositeurs qui ont servi pour certains personnages de la saga Star Wars. C'est très amusant à écouter. Ce qui n'empêche pas qu'il a fait un boulot extraordinaire, John Williams, sur Star Wars, aussi sur plein d'autres films. Mais anecdote à mon tour... En fait, il arrive avec sa musique et George Lucas parce que la musique est tellement forte. Oui. La musique de John Williams se dit, j'ai pas le choix. Il faut que je retourne sur le plateau faire de nouvelles images pour accompagner ta musique. Ça, quand même, c'est pas mal le summum pour un compositeur. Un autre compositeur de musique de film incontournable, c'est l'Italien Ennio Morricone. Oui. Et ce qu'on entend, c'est du pur génie. Marie-Christine Trottier, c'est un extrait de la bande sonore d'Il était une fois dans l'Ouest. Il va beaucoup, beaucoup travailler avec Sergio Leone, Morricone, mais avec quantité d'autres réalisateurs. Aussi, oui. Il demeure qu'Ennio Morricone et Sergio Leone, c'est un couple qui demeure légendaire. L'harmonica que nous entendons, plaintive de ce mystérieux joueur d'harmonica incarné par Charles Bronson, c'est vraiment une trouvaille géniale. Et c'est ainsi que Morricone donne au personnage picaresque et aux situations épiques de Leone un sens. Oui. Dans les films de Leone, la musique nous a marqués davantage que les dialogues. Personnellement. Oui. Personnellement. Ce film, ben, c'est le parfait exemple de la responsabilité musicale des personnages parce que celui de Charles Bronson, il est indissociable de ce thème plaintif qui toujours le précède dans les scènes cruciales. Et de son côté, la seule femme de cette histoire, Claudia Cardinal, porte, elle, le thème principal et porte également tout le drame de cette histoire. On la voit arriver, là. Elle est face au cadavre de sa future famille allongée devant elle. Et cette voix de soprano qui prend une dimension géante. Ouais. Et puis, d'autres films, il y en a tout plein. Le Bon, la brute et le truand, Pour une poignée de dollars, Mon nom est personne, Il était une fois en Amérique. 11 films en tout. Et toutes des musiques qui sont devenues légendaires avec Leone. Ouais. Et à son compte, Morricone, il y a aussi The Mission, ouais. Cinéma Paradiso, etc. Ouais, c'est un des grands, grands, grands compositeurs, oui. Avec John Williams, dans oui. un autre registre, mais un des grands compositeurs de musique. On reste en Italie, tiens, puisqu'on y est, avec cette musique que vous allez tout de suite reconnaître, mais qui, là encore, nous place devant un exemple d'emprunt au passé, on va dire ça oui. comme ça. Du Parrain, Marie-Christine Trottier, probablement l'une des musiques les plus connues dans l'histoire du cinéma. C'est Nino Rota qui décide, donc, quand il fait la bande originale, la bande musicale du Parrain, d'utiliser cette musique-là, qui avait vraiment, qui existait. L'air qu'on a entendu, oui. il existe. Non seulement il existe au cinéma, encore là, quelques décennies auparavant. Mais il l'a emprunté à lui-même, parce qu'il avait composé cet air dans un film de 1958, Melodia per Fortunella, d'Eduardo de Filippo. Donc, le thème du Parrain oui. existe. C'était bien avant 1972, mais ça n'enlève pas son talent et son génie pour autant. Dans l'histoire de la musique, Jean-Sébastien Bach faisait ça régulièrement. Il s'inspirait des autres. Il allait fouiner à Venise régulièrement. Il repiquait sa propre musique et on connaît l'œuvre gigantesque de Jean-Sébastien Bach. Bien, c'est pareil pour Nino Rota. Autre géant de musique de film, il a travaillé avec Fellini, Zeffirelli, en plus de Coppola, sans compter l'immensité de son œuvre symphonique. Ouais. Et puis on termine cette émission avec un autre incontournable. Thank you. racontez-nous l'histoire de cet air associé à la série des James Bond, Marie-Christine Trottier. Le thème créé en 1962, un des thèmes les plus reconnaissables, comme vous le disiez, mais dont la paternité est pas mal compliquée à établir. Oui. Parce que le thème, en principe, est composé par Monty Norman. Il sera arrangé par le compositeur John Barry, qui va retravailler le thème presque au complet. Et ensuite, le nom de David Arnold apparaît. Bataille juridique pour l'obtention des droits. Reste que, et voici le punch, tous les compositeurs en doivent toute une au légendaire clarinettiste Artie Shaw. Car en 1938, il se doutait pas qu'on utiliserait sa musique à Artie Shaw pour composer les bases chromatiques du thème de James Bond. D'ailleurs, chaque célébrité qui inlassablement a composé la chanson-thème d'un James Bond fait entendre subtilement cette suite chromatique en demi-ton, qui est en fait la signature du thème officiel. Oui. Et on va se quitter en entendant justement cette pièce d'Artie Shaw qui est à l'origine de tout ce qui va suivre quand on parle des James Bond. Marie-Christine Trottier, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Annie Richer, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.